إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir appris la vérité de par les aveux de Zulaykha, le roi décida de libérer Yusuf alayhi salat wa salam et de l'utiliser à son service. وقال الله جل وعلا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. Sourate 12 verset 54 et 55. Et le roi dit: amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit: tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Et c'est ainsi que Yusuf alayhi salat wa salam sortit de prison, innocenté de tout péché. Il passa d'une situation d'humiliation et de difficulté à une situation dans laquelle il sera honoré, respecté et obéi. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: lorsque le roi fut convaincu de l'innocence de Yusuf et de son intégrité, il dit: amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. C'est-à-dire que je vais faire de lui un de mes proches conseillers, un puissant de mon royaume et un noble de ma cour. Après l'avoir reçu et discuté avec lui, il lui dit: tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Yusuf lui dit: assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. C'est-à-dire qu'il lui demanda de le nommer responsable des dépôts du royaume afin qu'il puisse gérer au mieux la période qui allait succéder aux 7 années d'abondance de la manière qui plaît à Allah et qui consiste à prendre en charge l'intérêt des gens et la bonne gestion de leurs affaires. Il informa aussi le roi qu'il était un bon gestionnaire et un fidèle gardien de ses intérêts, de même qu'un connaisseur et un spécialiste en gestion. C'est là une preuve qu'il est permis de solliciter une responsabilité dès lors qu'on se sait intègre et compétent. Fin de citation. On comprend de ces versets que Yusuf alayhi salat wa salam discuta avec le roi en faisant preuve d'éloquence et en observant les règles de bienséance et de respect qui sied à la position d'un roi. Ce dernier vit en lui une personne digne de confiance avec laquelle il pourrait travailler sereinement et lui confier les plus importantes tâches du royaume. Yusuf alayhi salat wa salam cita 2 qualités nécessaires pour l'accomplissement de toute tâche, qui sont la science et la capacité, en disant: assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Yusuf alayhi salat wa salam a proposé ceci au roi afin de se préparer à être au service des gens et de préserver leurs intérêts. C'est pour cette raison qu'il n'a pas demandé en contrepartie d'argent ni de biens de ce bas monde, mais il a bel et bien demandé que lui soient confiés les dépôts du royaume afin qu'il préserve l'argent et le bien des gens et qu'il soit équitable dans la redistribution. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Sourate 12 verset 56 et 57. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ces versets: ainsi avons-nous affermi l'autorité de Yusuf dans ce territoire après la prison, la difficulté et l'isolement. il était désormais libre de se déplacer dans toute l'Égypte. Et il s'y installait là où il le voulait. Où qu'il aille, il était honoré et estimé. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres, c'est-à-dire que tout cela n'est que la rétribution et la récompense qu'Allah accorde aux croyants, en plus de ce qu'il leur réserve dans l'au-delà, comme biens abondants et belles récompenses. C'est pour cela qu'Allah dit Jalla Jalalu, et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Fin de citation. Il a été dit par plusieurs historiens que Youssouf alayhi salat wa salam avait alors 30 ans. Après cet événement important, Allah Jalla Jalalu nous relate la venue des frères de Youssouf alayhi salat wa salam. Allah dit: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Les versets 58 à 60. Et les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit: amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Le Coran ici ne relate pas le cas de Zulayha et les conséquences de ses actes et paroles, comme il ne relate pas les années d'abondance, de réserve et autres, pour le simple fait que tout ceci n'a pas grand intérêt à être détaillé, car cette sourate n'a pas été révélée pour ceci, mais plutôt pour mettre en valeur ce que rencontrent les prophètes comme épreuve, comment Allah les secourt et leur octroie un bon dénouement. C'est pour cette raison qu'Allah nous parle directement de la venue des frères de Youssouf, de la manière dont Youssouf a.s. va retrouver le frère qu'il aime, ainsi que ses deux parents, comment il va pardonner à ses frères qui voulurent le séparer de son père. Dans tout ceci, il y a des leçons et des exhortations pour des gens qui réfléchissent. Les frères de Youssouf a.s. arrivèrent pendant les années de disette et de famine qui avaient touché l'Égypte et toutes les régions avoisinantes, parmi elles la Palestine, leur terre. Ils entrèrent auprès de Youssouf sans le reconnaître. En effet, Youssouf surveillait la distribution de nourriture avec attention et rigueur, ce qui l'obligeait à observer les allées et venues des gens et s'assurer que les rations de chacun étaient respectées dans les mesures définies. C'est donc dans l'exercice de sa mission qu'il vit arriver ses 10 grands frères, venant chercher nourriture et provisions. Il les reconnut du premier coup d'œil du fait de sa perspicacité et de sa clairvoyance, alors qu'eux ne le reconnurent pas. Cela s'explique par le fait qu'il s'est passé presque 30 longues années entre le moment où il fut jeté dans le puits, à l'âge de 7 ans, et cette rencontre où il avait dépassé les 35 ans. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah mentionne la venue des frères de Youssouf en Égypte pour chercher de la nourriture après la famine qui toucha tous les peuples. À cette époque, Youssouf était en charge aussi bien dans les affaires religieuses que mondaine en Égypte. Lorsque ses frères entrèrent chez lui, il les reconnut, mais pas eux, car ils n'auraient jamais pu s'imaginer que leur frère Youssouf ait pu atteindre une telle position et une telle éminence. C'est pourquoi il les reconnut, mais eux non. Fin de citation. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Sourate 12, verset 59 à 60. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit: amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Ibn Kathir a dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Allah dit: et quand il leur eut fourni leur provision, c'est-à-dire qu'il leur donna leur provision comme il était de coutume chez eux de donner à chacun l'équivalent de ce que porte une chamelle sans rien rajouter à cela. Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Il les avait interrogés sur leur situation et sur leur nombre, et ils lui répondirent qu'ils étaient 12 hommes. L'un d'eux était parti, et son frère utérin était resté avec leur père. Il leur dit, « Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres, c'est-à-dire, j'ai fait preuve d'hospitalité envers vous. » Il voulait ainsi les encourager à ramener avec eux leur frère. Puis il les menaça au cas où il ne le ramènerait pas. Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. Je ne vous donnerai plus de provisions et ne vous laisserai plus du tout m'approcher, à l'inverse de ce qu'il venait de dire, tout ceci pour les encourager. » Fin de citation. La parole de Youssouf a.s. à ses frères, « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père » implique qu'un dialogue s'était installé entre lui et ses frères, et que ces derniers l'avaient informé qu'ils avaient un demi-frère resté auprès de leur père. Youssouf a.s. utilisa la forme indéfinie en disant « un frère que vous avez de votre père » afin que les frères ne se doutent pas de l'identité de Youssouf a.s. si ce dernier avait dit « votre frère issu de votre père ». قال الله تبارك وتعالى قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سورة 12 verset 61-62. Ils dirent, nous essaierons de persuader son père. Certes, nous le ferons. Et il dit à ses serviteurs, c'est-à-dire Youssouf, remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit, ils dirent, nous essaierons de persuader son père, autrement dit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il vienne avec nous et qu'il vienne te voir. Certes, nous le ferons, c'est-à-dire nous sommes capables de le faire. Il ordonna ensuite à ses serviteurs de remettre les marchandises qu'ils étaient venus troquer contre des denrées alimentaires dans leur bagage afin qu'ils s'en aperçoivent. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être qu'ils reviendront. On dit qu'ils voulaient qu'ils les rapportent de retour dans leur pays. On rapporte aussi qu'ils craignaient qu'il n'ait pas de quoi revenir une deuxième fois. On dit également qu'il s'est reproché de prendre d'eux des marchandises en contrepartie des provisions qu'ils étaient venus chercher. Fin de citation. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Sourate 12, verset 63. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Oh, notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Ibn Kathir, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, Allah mentionne ce qui est advenu dès le retour des frères de Youssouf auprès de leur père lorsqu'ils lui dirent, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Si tu ne nous laisses pas emmener avec nous notre jeune frère, par contre, s'il vient avec nous, nous serons ravitaillés. C'est-à-dire, si tu l'envoies avec nous, nous voyagerons avec lui pour demander la mesure qui lui revient. Ils lui confirmèrent qu'ils prendront soin de lui. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. Le verset 64 de la même sourate, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur des gardiens, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. La réponse de leur père, Ya'qub alayhi salam, est en réponse, à ce qu'ils avaient dit juste avant, wa inna lahu la hafidun. C'est-à-dire, à quoi m'a servi la première fois que je vous ai confié un de vos frères pour que je vous confie celui-là? Mais Allah est meilleur gardien, s'il veut le préserver, il sera préservé. Les frères furent persuadés de sa réponse, à savoir qu'il décidera au final d'envoyer son fils avec eux. C'est pour cette raison qu'ils n'insistèrent pas. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ Sourate 12, verset 65. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Oh, notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit, et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, oh notre père, que désirons-nous de plus? Que demander de plus puisque même nos marchandises nous ont été restituées? Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille en retournant en Égypte, c'est-à-dire que nous pourrons subvenir à leurs besoins et leur rapporter de quoi combattre la pauvreté. Nous veillerons à la sécurité de notre frère et par sa venue, nous nous ajouterons la charge d'un chameau, Allah Jalla Jalal nous dit, et c'est une charge facile, c'est-à-dire en contrepartie de la venue de son autre fils. Fin de citation. Les frères furent surpris de retrouver dans leur sac ce qu'ils avaient troqué contre de la nourriture. Et ils surent que leurs marchandises destinées à être troquées avaient été remises dans leur sac par les serviteurs de Youssouf, alayhi salatu wassalam, car elles se trouvaient au-dessus des provisions de nourriture. Comme si on avait rempli leur sac de ce qu'ils étaient venus chercher comme provision et qu'on avait placé en dernier à leur insu leurs marchandises de départ. Ce verset peut aussi vouloir dire qu'ils avaient compris que Youssouf alayhi salatu wassalam avait délibérément décidé de leur rendre leurs marchandises. Ils dirent, « Oh notre père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille. C'est-à-dire, si nous partons avec notre frère, il sera une cause pour que l'on bénéficie une nouvelle fois de la mesure et que l'on puisse approvisionner nos familles en troquant ces marchandises rendues contre de la nourriture. » Ya'qub alayhi salatu wassalam craignait que quelque chose n'arrive à son fils Benyamin qui lui rappelait Youssouf, lui tenait compagnie et remplaçait son frère auprès de lui. Et c'est pour cela qu'il dit « قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُونُ وَكِيلٌ » Verset 66 de la même sourate. Il dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'ils lui eurent rapporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné, c'est-à-dire sauf si aucun de vous ne peut le ramener. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Il appuya ainsi l'engagement, confirma le pacte et prit les dispositions pour assurer le retour de son fils. Or, toutes les précautions du monde ne peuvent rien face au destin. Et si ce n'était son besoin et les besoins de son peuple en provision, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé. Mais les décrets d'Allah renferment des sagesses et le Seigneur Jalla Jalalu décrète, choisit et décide ce qu'il veut. Il est le sage, l'omniscient. Fin de citation. As'Allah tabaraka wa ta'ala nuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.